coup là je suis trop rabat. Sa mère où sont les clés de la porte, tout est fou, je connais que ma claque. Ma tête sur le CD de la Fnac. Dans les rues de ma ville, très loin de la mer. Je suis quand même en short et puis dans la neige. La tienne c'est la chaîne, la bonne c'est la mienne. Mais comme je suis souvent, je suis plus sûr de la KMC. Je suis pas de sortie quand j'ai un 10-40. Mais à sa sortie, je baisse tout avec le gant. 3h du mat, je suis encore dans les vagues du cœur. C'est vers 5h30 que les vrais rires dansent. C'est blanche, moi je suis tout en black. Je la vendrai même pas pour 100 plaques. Je conduis la nuit mais je roule sans phare. Je prends pas le périph', on fonce dans le tas. Le chemin était long de là où j'habite. Mais vu qu'il y a mes phares là où t'es rapide. Soirée dans la whip, plein des Caraïbes. Nouveau riche, mon rhum vient des Caraïbes. Je suis pas de sortie quand j'ai un 10-40. Mais à sa sortie, je baisse tout avec le gant. 3h du mat, je suis encore dans les vagues du cœur. C'est vers 5h30 que les vrais tu dansent. Yeah.